je me mets dans des conditions de solitude. Mon téléphone portable est éteint, mon téléphone fixe n'est pas allumé, et mon ordinateur portable non plus. Je suis obligé de développer un rapport favorable avec moi-même, et d'avoir recours à différents moyens de communication intérieure.